Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Pour rappel, lors de la dernière session, vous aviez accepté de récupérer des caisses d'explosifs en vous battant un petit peu dans les jeux de l'arène de Bayonne. Des jeux somme toute assez classiques jusqu'à l'arrivée de Carib et Scylla, les deux alligators qui rajoutent un petit peu de piment à ce dernier. Suite à ça, vous êtes allé de souvenir, vous avez fait en sorte de livrer les fameuses caisses. C'est alors que vous retrouvez le roi des gueux qui, lui aussi, s'apprête à faire son pèlerinage entre les différentes grandes villes de la côte de Franca du Sud, en compagnie de quelques fidèles qui le soutiennent et le protègent. Vous êtes actuellement au niveau... toujours de l'auberge de Bayonne. Et durant cette session, je vais vous laisser assez libre. Si vous voulez partir dès maintenant et quitter la ville, vous pouvez. Si jamais vous souhaitez rester un peu sur place, vous pouvez également. Bah, en vrai, on vient d'arriver. Enfin, je sais pas, ce serait peut-être intéressant de faire un petit tour du coin, parce que ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour pas visiter un petit peu le secteur. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, je ne suis pas là pour le tourisme, je suis là en mission sacrée, et nous avons récupéré ce dont nous avions besoin, nous ferions mieux de reprendre la route. Flux, Jacquard. Oh, vous savez, moi, je sais pas, je pourrais me laisser convaincre, mais bon, non, enfin, on peut y aller, ouais, c'est très bien. Ma seule question est vis-à-vis des caisses explosives que nous avons reportées. Comment allons-nous gérer la chose suivante, est-ce qu'on la laisse en ville et on reprend sur le chemin du retour? On va clairement pas se balader avec parce que ça me semble beaucoup trop onéreux et dangereux. Je pense que, au contraire, il va falloir se déplacer avec. Nous sommes dans une ville de roublards et de pouilleux qui vont sans aucun doute nous trahir si nous décidons de leur dire de garder telle caisse pour eux. Même nos chers amis. Mais si on le laisse, ils font maintenant des spectacles que j'aimerais ridiculiser. Alors... Certes, mais si nous la laissons entre les mains de. J'ai oublié le nom, je suis désolé, mais la personne qui nous les a offerts contre le combat d'arène. Oh, Scarocante. Oui, Scarocante. On peut très bien lui dire qu'on récupère notre dû. Autre tour, je ne sais pas s'il est de confiance, mais ce que je pense, c'est que malgré tout, se trimballer deux caisses d'explosifs risque d'être beaucoup d'attirer l'attention sur nous, et déjà que nous l'attirons pas mal, et que ça peut être véritablement dangereux, et ce serait dommage de perdre notre gain, du coup, pour Eisenhower. Scarocante est un est absolument un signe de confiance. Il nous a fait affronter ces alligators sans nous dire que c'était des alligators et il a décidé de nous faire jouer les trois matchs en un. Je crois que s'il pouvait juste Mais récupérer nous faire recombattre pour avoir le droit de les récupérer, il le ferait. il est vrai qu'il n'est peut-être pas de très bonne confiance, mais je pense que dans cette vie, c'est peut-être la personne qui est assez jouable. Je ne sais pas, après, si vous voulez prendre le risque de nous trimballer pendant des jours entiers avec des cargaisons d'explosifs, soit, mais il va falloir être vigilant. J'ai Écoutez. bien l'impression que c'est malheureusement obligatoire. Alors soyons vigilants. Mais alors ne traînons pas plus ici, partons et dépêchons-nous. J'ai hâte de revoir Eisenhower. Allons-y. Ok, vous décidez donc de partir. Ouais, on va se trouver le prochain bateau pour faire la suite là, ou je crois qu'on est toujours C'est en bateau, c'est exactement ça? ce Oui. que j'allais vous demander. Comment est-ce que vous décidez de mettre ça en œuvre puisque Bayonne est un petit peu la fin du voyage? Eh bien, en effet, lorsque, lors du petit matin, vous êtes allé faire quelques balades pour certains, peut-être Lito, une petite marche autour de la ville, tu as pu apercevoir au niveau du port des Bris, autour des barques qui étaient acheminées ici et là, des passeurs qui offraient en tout cas des services de bah justement de, donc de déplacement aux gens qui passaient autour de là. Certains monnayaient des prix relativement différents. Les plus petits passeurs, les plus accessibles, demander 10 dinars par tête, tandis que certains proposant un service avec une meilleure sécurité allaient jusqu'à chercher 40 dinars la tête. Wow. Mais déjà, je vais aller voir ceux qui proposent le moins, ça. Enfin, qui proposent le moins cher. Une Tu m'as dit que barque. c'était. Tu vois en effet un gars, un look un peu de pouilleux, on va pas se mentir, mais beaucoup de gens à Bayonne ont des looks un peu de pouilleux, avec un costume en haillons un peu rapiécé, et une dent en moins, et une espèce de chapeau trop grand pour lui, sale, qui lui tombe un peu dessus, un truc qu'il a dû récupérer, tu ne sais où, un peu, voilà, qu'il a dû fouiller, qui te dit, ouais, de toute façon, c'est pas bien profond, hein. C'est qu'on risque pas grand-chose. Vous faites pas avoir par les autres charlatans qui vous prennent 40 dinars, hein. On va prendre le même trajet, eux et nous. Est-ce qu'on peut me rappeler où est-ce qu'on doit aller? Déjà, on doit aller à Perpignan, c'est ça? C'est là qu'on allait? Alors, Mais plus cher exactement, compagnon. vous allez vous rendre aux forteresses, mais qui sont en effet juste à côté de Perpignan, de Ouais. Péripertuse et Kérébus. D'accord. Et donc, Mais votre j'imagine qu'on doit objectif là s'arrêter est à de Montpellier. traverser. Pardon? J'imagine qu'on doit s'arrêter quand même à Montpellier. Le gars avec sa barque, il va pas aller jusqu'à Perpignan depuis Bayonne, c'est ça? Alors, le premier que tu as croisé, en effet, te propose. Enfin, lui ne va pas au-delà de Montpellier. Mais parmi les passeurs les plus chers, certains ont en réalité plus des petits bateaux de pêcheurs et proposent directement de s'arrêter au niveau de Perpignan. Puisqu'en réalité, eux, ils font une espèce de boucle entre Toulon, Bayonne, Perpignan et la Corse. Alors, c'est D'accord. plus même des navires marchands que. Enfin, c'est des bateaux de pêcheurs, mais c'est plus qui sont utilisés comme navires marchands. Et tu le sais, c'est des gens qui ont probablement, en tout cas, des affiliations avec les nuées pirates. D'accord. Mais lorsque tu te renseignes à ce niveau-là, l'un des gars, celui avec son petit chapeau rapiécé, qui te demandait 10 dinars la tête, il te fait et surtout, vous faites pas voir avec ces charlatans, hein. Vous allez payer beaucoup plus cher. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils vont vraiment vous amener directement à Perpignan? Moi, je trouve ça bien trop beau. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui disparaissent avec des causes de passeurs malveillants. Bon, tu as l'air malin et tu as l'air de vouloir du client. Alors voilà ce que je vais te proposer. Je sors mes 5 dinars, qui sont les derniers, le seul argent que j'ai sur moi. Et je vais dire, 5 dinars, nous sommes 5 personnes et 3 caisses. Nous allons chercher des gens dans les forteresses. Quand nous revenons, nous prendrons ton bateau et chacun d'entre nous paiera le double de ce que tu fais payer normalement. Je parle aussi des hommes en plus que nous aurons avec nous. Je suis pas né de la dernière pluie, moi. Qu'est-ce qui me dit que tu vas revenir me voir et que tu vas me payer? Je te connais pas, moi. J'ai pas confiance aux Anabaptistes. Je ne veux pas saisir l'opportunité et je n'ai qu'à me tourner vers ton concurrent. Une fois, j'ai joué aux cartes avec un Anabaptiste et il a triché. Mon porc. Tu vas me faire un petit test de charisme, négociation. Ouais, je sais pas s'il a ça, Lito. Attends, faut que je regarde. Il a combien, Lito, ce test-là? Je vais regarder. Alors, okay. Charisme, déjà, il a 2. Waouh, on va rajouter 2, on va dire 4 quand même. Ah, négociation. Sachant que derrière, faut que je vous redonne tous un point d'ego. 3 réussites. 3 réussites, ok. Bon, bah. C'est tout. Ça passe. Ok. Vous commencez à vous remettre petit à petit vos blessures, vos dernières blessures de ces dernières semaines. Même si elles sont toujours douloureuses, commencent un petit peu à disparaître. La peau recouvre les anciennes plaies. De ton côté, Lito, tu vois que le gars, il dit « Bon, c'est d'accord, mais je veux un gage. » Votre épée, la petite fille qui se balade là-bas, je sais pas moi, ce que vous voulez. Il parle évidemment de l'élite. Hein. Un truc de valeur, quoi. Tu crois que la petite, elle a de la valeur? Bah, elle doit bien avoir une valeur sentimentale pour vous, non? Si jamais vous me la laissez et vous viendrez bien la récupérer. Tu vois que l'élite qui est à côté, par contre, t'as pas l'air du tout déter à l'idée d'être utilisé comme gage de passage. Et tu le fais comprendre. Du coup, le principe du gage, c'est quoi? C'est que tu laisses quelque chose et tu le récupères après? C'est ça. Très bien. Du coup, je vais... Ok. Très bien. Tu auras mon arme. Ah, bien belle épée. Eh bien, vous pouvez venir embarquer quand vous voulez. Si tu disparais avec cette épée, cependant, il y aura des problèmes. Ah, pour aller où? Voir les nuées pirates, par exemple, leur proposer? Non, moi je traite pas avec les pirates. Très bien. Tous des fils de pis, ces gars-là. Qui ne l'est pas de nos jours. Moi, ma mère était une sainte. C'est ce qu'ils disent tous. Bon. Bah écoutez, de toute façon, il faut bien qu'on y aille, non? Eh bien, pendant ce temps-là, j'aimerais savoir comment s'est passée l'opération de Jacquard pour lui remettre son bras en place. Je vais demander un test de médecine à Thoric et je vais demander un test d'engineering à Efflux. Si jamais vous avez mis 2-3 éléments ou pas en place, à vous de me le dire. Est-ce que tu peux me dire combien de dés je lance, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai, je vais te dire ça. J'ouvre Miro, mais c'était... Moi, j'en ai 7, moi. Alors, Flux, tu as 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai combien en ego? J'ai tous mes points, non? C'est ça? Oui, t'as tout tes points. Oui, bon. Je vais utiliser un ego parce que j'ai quand même envie d'aider vraiment mon ami, pour le coup. Donc, tu passes bon, de 12 à 11 points d'ego. Ok. Voilà. Hop. Moi, de toute façon, j'essaie quand même de regarder les dégâts vraiment de ce que ça a pu, enfin que ça a causé le fait d'avoir arraché. S'il y a besoin, du coup, de peut-être déjà soigner le moignon, ouais. Parce que il pourrait que, oui, le, par le exemple, désinfecter, y, bien voilà, sûr, désinfecter ouais. Tout ça avant même de. C'est quoi la règle des échecs critiques déjà? C'est si jamais le test est un échec et que tu as plus de tests de mort que de réussite. C'est quoi la difficulté du test? En toute honnêteté. T'as fait quoi comme résultat? La difficulté du test c'était 4. Ah d'accord, oh, bah, je crois que c'est un échec critique du coup. Parce que, okay. Bah... Ah attendez, parce Toric, que. Tu m'as dit que tu as fait combien, Toric? Je vais vous montrer. Parce qu'il était devenu trop humain pour moi, le bras. Du coup, je connais pas. Le... Double échec critique. Pour une opération chirurgicale. On est Jacques désolé, bon, j'imagine qu'avant une telle opération, on t'a quand même fait picoler une bouteille ou deux, tu vois. Peut-être même quand t'as passé un petit bourgeon, histoire que voilà, tu sois plus trop là, le temps d'une heure ou deux. Quand tu reviens à toi, tout va très bien. Ton bras est remis. Il fonctionne. Tout va bien. Tu vois Toric et Flux. D'ailleurs, Flux, ça t'étonne malgré son masque, mais avec un teint relativement pâle. Tu ne saurais dire pourquoi, parce que toi, t'es très content. Tu peux bouger les doigts. Tu peux te mouvoir. Bon, t'as mal. Même plutôt mal, comme après une opération. Mais tout semble avoir fonctionné. Oh, fou. Ah, c'est du beau boulot. À ce moment-là, j'aimerais que vous en profitiez pour me dire ce que vous avez prévu de faire, notamment avec avec Adonai et le roi des gueux, ou en tout cas Elias, si, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Oui, attends, excuse-moi, mon esprit est un peu embrouillé par ce qui vient de se passer. Ouais, non, tout va bien. Mais en effet, non, j'imagine, alors à ce moment-là, vous avez peut-être réquisitionné une des chambres de l'auberge dans laquelle vous logiez. Et au moment où tu sors, en bas de cette dernière, tu vois le roi des gueux, donc, ou Elias, je sais pas comment est-ce que vous voulez qu'on l'appelle, à vous de me dire, accompagné, même si Elias, c'est évidemment son nom d'emprunt, a priori, accompagné de différents fidèles, qui sont tous originaires de Bayonne, en train de récupérer quelques restes dans les assiettes, ou simplement quelques piécettes. En tout cas, il a l'air de faire don de lui auprès de la communauté. Le roi des gueux, qui, pour rappel, hein, a ce visage un peu étrange, à la fois très simple, qui fait très jeune, mais en même temps une expression, une attitude qui laisse présager quand même un certain nombre d'années. On n'arrive pas vraiment à savoir s'il fait... Il pourrait autant avoir 25 ans que 40 en réalité. Il a un côté un peu intemporel. Un visage, ça, très lisse, mais en même temps très plissé. Voilà. Dans tout cas, moi je sais que je veux vraiment créer un lien, etc. Et que je veux garder. Je veux que, à chaque fois qu'on puisse se croiser, je sais que ça puisse devenir un allié qui ait une confiance mutuelle qui puisse s'installer. Donc, déjà, j'ai déjà proposé mes services, du coup, à Elias, roi des gueux. Voir comment je peux l'aider sur le moment, sachant que, bon, encore une fois, de toute façon, nous avons le même objectif qui est aider. Aider simplement à défendre la dignité des faibles. Donc, je sais que de ce côté-là, moi, j'ai passé mon temps Déjà, discuter avec Adonai, etc., Bien. reprendre du service et aider comme je peux Eh bien, simplement, le Tiberias. roi te dit, il y a bien quelque chose pour lequel vous pourriez m'aider, Flux. J'ai cru comprendre que vous étiez relativement proche du Scarocante. Oh, c'est un bien grand mot, mais je crois qu'on a réussi à lui plaire un peu. En tout cas, il a l'air de vous apprécier. Et j'ai ouï dire que ce dernier gardait une certaine quantité de provisions dans sa forteresse, dans son auto-bastion. Est-ce que vous pourriez pour moi le convaincre d'en laisser une partie pour alimenter les âmes égarées qui peuplent sa ville? Je ne suis pas sûr d'avoir cette force de persuasion, mais je vais tenter la question et si jamais une petite partie de ces provisions atterrit illégalement à vos côtés, est-ce que cela vous est gênant? Si jamais j'ai un refus de sa part. Non, cela ne me dérange pas. Ou alors je fais en sorte Tous les que moyens sont il y a bons de pour quoi. pouvoir faire preuve d'un petit peu de bonté et de partage. On se retrouve bien là. Maintenant, veillez à ne pas être trop gourmand non plus. Il ne faudrait pas que le Scarocante fasse le lien entre les deux événements et n'envoie le peuple de ses rues alimenter l'estomac de ces monstres. Évidemment, évidemment. Vous pouvez me faire confiance. Ok. Est-ce que vous souhaitez faire d'autres choses avant qu'est-ce que vous souhaitez faire avant votre départ? Je pense Mais que du ouais, coup, moi Flux, j'ai un. la chose est toute Voilà. trouvée, mais je laisse aussi les autres réfléchir Moi, à ça. j'avoue que je j'ai pas forcément d'idée. Peut-être essayer. Alors, est-ce que. Attends. Alors, là, c'est une question par rapport à ce qu'on a fait juste avant pour Jacquard. Est-ce qu'on a conscience qu'on n'a pas été très bon sur ce qu'on a fait ou pas? Ou genre, on a l'impression que tout s'est bien passé, ou alors on a quand même conscience que c'est pas fou ce qu'on a fait? En fait, il y a quelque chose qui vous a un petit peu étonné. L'opération a été un petit peu compliquée. Et parmi les câbles que vous avez reliés au nerf, donc il y a une pratique un petit peu qui est vraiment très évoluée et que même vous, même en alliant deux mondes, deux cerveaux comme vous, reste quelque chose de très. Comment dire C'est presque de la magie à ce niveau-là, à quel point c'est une technologie qui vous dépasse et que ça a été perdu. Alors, toi, Toric, t'es un médecin de terrain, donc c'est. Comment dire, Garfistolage, quoi. vous avez vraiment des informations complémentaires à ce niveau-là. Toi, t'as été préparé pour sauver des types, mais que n'importe qui considérait comme perdu d'avance. Donc, mine de rien, t'as une certaine minutie et, voilà, et une certaine force de travail qui est assez exemplaire. Maintenant, ce qui vous étonne, c'est qu'avec quelque chose, vous êtes fait la même réflexion à la fin de l'opération. C'est que malheureusement pour vous, c'était un échec et que ça ne devait pas fonctionner. Vous êtes persuadé que ce que vous avez fait ne devait pas marcher. Et vous ne comprenez pas pourquoi le bras fonctionne. Mais ça fonctionne. Je vais quand même, par sécurité, essayer de peut-être m'équiper, enfin, essayer de trouver de quoi soigner, tu sais, essayer de prendre avec moi des choses qui pourraient servir si jamais on devait soigner, je devais soigner en urgence. Parce que, bon, voilà, je suis quand même pas serein par rapport à ce qu'on a fait, même si, bon, on n'a pas osé forcément dire à Jacquard que. Ça aurait pas dû fonctionner. Donc, je vais quand même par sécurité essayer de voir si je trouve pas un endroit de quoi, des trucs de premier secours, des choses qui pourraient me servir en urgence si on devait, pendant le voyage, bah, justement réopérer quoi. Voilà. Voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut me. Voilà. Ok, très bien. Parfait, du coup tu as rassemblé les quelques dernières affaires dont tu avais besoin, etc. Tu réalises, en fait, comme tu dis, une espèce de petite trousse qui sert simplement à... comment dire, développer une espèce de situation, enfin de soins d'urgence en cas de crise ou au cas où quelque chose se passerait mal. Ok. Moi, pour ma part, je suis dans l'idée d'attendre les autres pour qu'on parte au plus vite, vu que c'est ce qui avait été décidé. Mais a priori, des gens décident d'établir de la contrebande vite fait en quelques minutes. Donc. Mais j'attends. Jacques arrive à faire la même chose. Si jamais on peut déjà y aller, il va aller dans la barque, il va poser son grand manteau, il va s'endormir juste en attendant les autres. Voilà, il se repose un petit peu. Voilà. Ok. Chill. Eh bien, du coup, Eflux, on va pouvoir passer à ta scène directement. Si tu veux, juste avant le départ, t'en profites pour demander une audience auprès de Scarocorn. Oui, j'indique. De toute façon, j'indique par contre au groupe que. Bon, aussi, de manière un peu drama queen, je vais leur dire qu'il est hors de question que je mette un pied sur un bateau. Mais qu'on verra ça après. D'abord, je reprends contact à Scarocorn. Au moment où tu parles de ça, tu te trouves donc au niveau du groupe qui se trouve lui-même au niveau des quais, qui se trouve lui-même là où se trouve le passeur, qui te dit c'est pas un bateau, hein, c'est une barque, juste une barque. Enfin, il y en a deux, mais c'est des barques quand même. Ça va au-dessus de l'eau. Vous m'avez vu ? Vous pensez que moi et l'eau, ça fait un bon mélange ? Vous n'êtes pas fait en acier non plus. Essaye. Non mais ça c'est de la merdouille de chroniqueur, mais je veux dire à l'intérieur. À l'intérieur aussi. Mais je sais très bien que les chroniqueurs, c'est des humains, arrêtez de ma gueule, vous m'avez pris pour un de ces primitifs de pollen. Non. Mais je commence par contre à vous... bref. Quoi qu'il en soit, j'ai affaire avec Scarocant. Trouvez une solution là pour ça, s'il vous plaît. Mais je vais pas construire un pont non plus. Non mais je parle pas à vous, je parle à mes amis. Vous occupez-vous de vos affaires. On va construire une tyrolienne. Ça a bien marché la première fois. Pourquoi pas ? Dans tous les cas, réfléchissez-y, parce que je monte pas là-dessus. Bon, on en discutera à ton retour. Si tu veux donc, va dans le paquet, c'est l'occupation. Au niveau de l'autobus. Avant de partir, j'avais une question. Est-ce que Scarocant avait l'air d'avoir... quoi, il s'adressait au groupe, je sais pas, quelqu'un qui visait un peu plus, genre... ok, il se sentait peut-être un peu plus à l'aise dans le dialogue, tu vois, genre... une petite préférence qu'il pouvait déceler... Je peux jeter si jamais il y a besoin. Parmi les personnes, parmi vous ? Oui, parmi les personnes du groupe, c'est quand il parlait, genre, est-ce qu'il avait l'air de s'adresser un peu plus à quelqu'un ? Genre, tu sais, même un petit regard en plus, j'essaie de me souvenir, de voir est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait jouer malheureusement, dans la balance. Soit peut-être plus mocoche. Mais du coup, pour vous, non, pas vraiment. Alors, peut-être du coup, Lito, mais en tout cas, il a l'air, en fait, il a l'air plus de juger peut-être au niveau des cultes que plus aux personnes pour l'instant, pour en parler. Donc, c'est-à-dire déjà tout ce qui est juge hospitalier, c'est pas forcément sa cam. Même s'il en fout un peu, hein. Mais c'est pas ce qu'il préfère. Maintenant, oui, les anabaptistes à la mocoche, ça pourrait lui plaire un peu plus, mais bon, malheureusement, du coup, elle est pas là. Alors, tu te dis peut-être Lito, mais à voir, est-ce qu'il aimait bien mocoche parce que c'était mocoche ou parce que c'était anabaptiste. Je vais quand même demander à Lito s'il veut bien l'accompagner. Je lui explique les tenants et aboutissants du plan, c'est-à-dire que. Concrètement, pour aider notre cher ami Elias, on va faire en sorte que un peu de ses provisions puissent terminer dans la bouche des miséreux, tout simplement. Donc, ils vous ont croisé pas mal hein, à Bayonne. Hein. Ça a l'air d'être vraiment la rive sur laquelle s'échouent les rêves de Toulon. Donc des ferrailleurs mutilés, etc. C'est un peu un Saint-Chenil bis pour certains qui tentent de rejoindre les nuées désespérées. Et si jamais la présence d'une personne fort expérimentée et anabaptiste comme toi peut jouer un peu en ma faveur, je serais ravi que tu puisses un peu tenir mes propos. Très bien. Si je peux me rendre utile, alors je me rendrai utile. Eh bien, allons-y. En partant, j'ordonne à Lilith de rester avec Jacquard et la barque, tout ça. À la caisse. Voilà. La dernière fois, elle s'est presque faite bouffer, alors on va pas la ramener là-bas. Non. La pauvre. Vous Du coup, retournez voir donc le Scarocante. Lorsque vous arrivez au niveau de son autobastion, dans la salle principale, qui c'est un petit peu comme je disais, de salle du trône et en même temps de salle au trésor, vous le voyez avaché sur ce dernier qui s'exclame. Pourtant, lui qui avait l'air d'être un peu rustre hein, à la base. Ah! Alors, à ce que je vois, vous voulez remettre ça? Écoutez, on a déjà nourri les bêtes aujourd'hui. Demain plutôt, non? Ah, oh, malheureusement, demain, nous serons déjà plus là. Nous avons malheureusement fortes choses à faire dans Vous ces devez nous lieux. quitter. Oui, bon, temporairement, nous reviendrons nourrir vos bêtes ultérieurement. Ou nous nourrir d'elle. Et c'est pour me dire au revoir que vous venez Eh me bien, ma foi, rencontrer. déjà. Oui, parce que je pense que nous avons eu assez de contacts pour que j'aie du respect envers vous et voilà. Mais j'ai aussi une petite chose à vous demander, évidemment. Dites-moi. Vous savez, bon, il est assez facile de savoir que vous avez quelques provisions personnelles dans votre auto-bastion et j'aimerais savoir s'il était possible de négocier avec vous pour qu'une certaine partie puisse être récupérée afin de le fournir à un ami, à moi, qui œuvre dans le même but que moi, j'œuvre à Toulon, c'est-à-dire aider les miséreux. Et Vous cela voulez ferait une donc petite. que je vous vende des provisions? Vendre peut-être un mot un peu fort, peut-être je pourrais vous prêter mes services ultérieurement à mon retour, considérez-moi comme recevable, je n'ai plus beaucoup de liquidité avec tout ça, mais oui, l'idée est qu'une petite partie de ces provisions puisse m'être accordée. Vous voulez donc que je vous donne des provisions? Pas donné non plus, personne serait assez bête pour faire ça. Non, je parle plus d'un échange. À moins que vous ayez le cœur sur la main assez pour me donner ces provisions, mais je pense que ce n'est pas le cas et cela serait totalement entendable. Fais-moi un test de négociation ou de séduction, comme tu veux. Alors là, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, quand même. Alors là. Bon, en fait, on voit les priorités de F+, quoi. C'est-à-dire que, bon, après le bras de Jacquard, c'était. c'était pas si important. Hop! Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait Oh. 5 réussites, donc 5 déclencheurs. Voilà. Je suis plutôt content de ce jet. Et voilà. Eh bien là-dessus, tu le vois qui se lève d'un seul coup sur ses deux jambes, presque comme s'il venait de sauter sur lui-même, se dirige dans votre direction en faisant une espèce de petit détour par une des grandes tables en acier qui ont été forgées et installées dans sa résidence, pour en récupérer un panier de fruits, dans lequel se trouve notamment une orange. Enfin, plusieurs oranges, mais il s'empare de l'une d'entre elles. Sans même l'éplucher, il la porte à sa bouche et en arrache un énorme morceau, qu'il se met à mâcher et à avaler. Ce qui ne vous choque honnêtement pas tant que ça. Des oranges, vous en avez mangé, je crois, une fois, il me semble. C'est pas dit que vous sachiez qu'il faille l'éplucher avant. Techniquement, la peau, elle a du goût, oui, non, elle a de la consistance, et ça vaut surtout extrêmement cher, puisqu'elles sont importées directement d'Afrique. Et à ce moment-là, ils vous en jettent également une chacun. Est-ce que vous les rattrapez? Ouais. Oui, j'essaye. J'essaie vous allez me faire des tests de réflexe. Non, j'ai... vous les jetez, enfin, ils vous les jettent, pardon, vous les rattrapez. Et il continue à faire un tour, donc il croque à la fois dans la sienne et il joue avec le panier en le faisant tournoyer autour de son doigt de l'autre. Et il dit écoutez, j'avoue, j'ai été peut-être un petit peu taquin avec vous la dernière fois. En même temps, ouais. J'aime bien faire des petites démonstrations de puissance auprès du peuple de Bayonne. Vous savez, ces choses-là, c'est important. Vous remarquez qu'il n'y a aucune rancune de notre part. Écoutez, je salue l'audace d'être venu voir quelqu'un comme moi pour me demander de faire la charité. Vraiment, les chroniqueurs... Je sais pas quoi faire. Si vous existiez pas, faudrait vous inventer. Vous êtes incroyable. Merci bien. Maintenant, je trouve ça dommage qu'on en vienne à des discussions de contrats, d'égal à égal, comme si la seule chose qui gouvernait les gens comme moi serait forcément de faire des marchés et des contrats et de ne jamais donner sans exiger quoi que ce soit en retour. Alors, vous savez quoi? Je vais vous les donner, vos provisions. Je vais vous les donner, mes hommes vont vous aider à les distribuer. Et je ne vous demanderai pas de service en échange. Je vous fais ça par charité. Maintenant, j'ai cru comprendre par mes quelques informateurs, mes contacts, à Toulon, dont vous avez pu croiser certains, évidemment. Vous vous en doutez, j'ai des yeux et des oreilles partout. Je sais que vous mijotez certaines choses. Je sais notamment, et on me l'a fait pas, moi. Je sais très bien ce que vous avez prévu. Ouvrir un bar. L'atelier, là. Vous voulez vous développer, faire du commerce. Alors, vous savez, c'est bien joli, hein, toutes ces choses-là. Eh oui. Eh bien, disons que si jamais vous arriviez à avoir une petite situation là-bas à Toulon, ça pourrait me plaire qu'un jour aussi, vous acceptiez de rendre la charité à un vieil ami à vous. Eh bien, ma foi, ce sera avec grand plaisir. Eh bien, très bien. À ce moment-là, il se retourne vers son intendant, qui était dans le coin de la pièce depuis le début et qui n'en mouffetait pas une. Ramène-leur les provisions qu'on avait mis de côté pour l'hiver. C'est dans quelques mois encore. Prends-en au moins un bon quart. Et ensuite... Prends quelques hommes, on va les aider à distribuer ça. Prouvons que l'Oscar au Kant, c'est aussi faire preuve de bonté quand il le veut. Je le remercie platement, évidemment, moi, de mon côté. C'est incroyable. Un peu plus tard, du coup, dans la soirée, vous vous retrouvez dans un sous-quartier de Bayonne, un quartier non officiel, qui se trouve un petit peu à côté du terminal de récupération et du disjoncteur, qu'on pourrait qualifier du quartier des conteneurs, et qui sert en réalité de base à pas mal de personnes un peu miteuses de la ville, notamment à Donaï, qui lui s'est aménagé une espèce de petite base dans une espèce de... Un truc qui est à cheval entre un tonneau et un conteneur, justement. Mine de rien, dedans, il s'est mis 2-3 trucs pour vivre. Il se fait pousser quelques petites plantes. Il a ce qui ressemble à un lit avec des espèces de vieilles couvertures dessus. Il a accroché des espèces de vieux rideaux au niveau de l'entrée pour pouvoir faire front un petit peu à la fraîcheur, en tout cas, et aux moustiques, probablement. Mais surtout, en ces nuits d'été, le froid n'est pas un problème, hein, évidemment, au contraire. Il a une espèce de petit, un autre petit tonneau qui, lui, doit servir de table de nuit, à côté duquel il a entreposé plein d'affaires, mais notamment une bougie de fortune qui s'est fabriquée. Et autour de ça, une planche de bois sur lequel qu'il a suspendue autour d'un fil là, et d'un clou, au niveau duquel il a accroché des tas de plantes qu'il a l'air d'utiliser pour concocter quelques remèdes. Ce genre de choses. Lorsque tu viens le voir, tu as avec toi une certaine réserve de provisions. Les tonneaux ont été roulés dans le quartier par les apocalyptiques de la nuée. L'un d'entre eux a redressé le sien, s'est levé, mis deux jambes dessus, et a commencé à appeler tout autour la populace du don généreux que le Scarocante faisait. Maintenant, c'est à vous en réalité de vraiment distribuer ça, en compagnie du roi des gueux, qui en a ouvert certains et partage son contenu plus ou moins équitablement entre les personnes qui viennent commander. Est-ce que toi, Lito, tu participes à ça? Et Flux également? Et si oui, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous ouvrez un tonneau au milieu de tout? Est-ce que vous distribuez les rations aux gens qui viennent? Est-ce que vous venez faire du porte-à-porte? Est-ce que vous en gardez pour vous? Est-ce que vous refusez de prendre part à cette espèce d'opération? Voilà, à vous de me dire. Moi, je participe pas et je prends un petit fruit que je garde pour la petite. C'est tout. Ok. Oh, Jacquard, il va rester dans son coin, tranquille. Il va se reposer, et puis voilà. Prends le bateau. Et Flux, évidemment, participe, parce que c'est Flux et qu'on parle d'aider des misérables. Du coup, oui, non, il va aider. Il va ouvrir un tonneau et aller distribuer ci et là à ceux qui en ont besoin. D'autant plus que, pour le coup, moi, je m'amusais à plus que souligner la charité de Scarocante, de plus signaler, bon, voilà, le roi des gueux est avec vous, tu vois, faire le genre de petite phrase. Histoire que, voilà, je m'amuse un peu à contrecarrer ce que. Malgré tout, c'est quand même quelque chose qui va améliorer l'image jusqu'à Scarocante. Je m'amuse à quand même glisser que le roi des gueux n'est pas pour rien derrière ça. Très bien. En parlant du roi des gueux, celui-ci s'adresse de manière un petit peu étonnante à certains des miséreux de la ville. La plupart sont des hommes, mais il y a aussi quelques femmes dans la fleur de l'âge qui ont l'air d'être en bon état physique. Il leur dit simplement: si vous avez quelques lettres de change de côté, j'aimerais vous proposer quelque chose. Donnez-moi cet argent et rejoignez-moi ce soir au niveau des quais. Je vous prépare un périple, une embarcation, en direction de Montpellier. J'ai pour but de faire le tour de la côte francquienne du delta du Rhône. Et je pense que votre situation là-bas serait bien plus envieuse qu'ici même. Vous allez simplement finir par mourir de faim, sans aucune opportunité de survivre. Montpellier est une très grande ville, avec une banlieue vaste et fertile, plus fertile qu'ici. Nous sommes encore trop dans les marécages. Là-bas, nous pourrions investir les égouts de la ville, si jamais ils sont abandonnés, ce qui est probablement le cas. Cela m'étonnerait que les Néolibiens se soient aventurés à retrouver de vieux plans où on ait eu quoi que ce soit à faire. Après tout, il n'y a pas d'égouts à Tripol et pourtant, ils vivent parfaitement là-bas. Nous pourrions fertiliser certains champs et demander de l'aide à des anabaptistes pour les labourer et faire pousser quelques plantes. Ainsi, vous pourriez, d'ici un an, si jamais vous réussissez à survivre, commencer à savourer le fruit de votre labeur et à vous reconstruire petit à petit. Ainsi, lorsque je repasserai dans un an, j'attendrai de vous de payer votre dette et d'aider à votre tour d'autres gens dans le besoin. Certaines personnes ont l'air d'accepter et lui remettent leur lettre de change. Ces mêmes personnes, vous allez les retrouver ce soir au niveau du quai. Et en effet, plusieurs barques ont été préparées. C'est ainsi que tout le monde monte dans la sienne. Vous remarquez aussitôt que ces dernières sont vraiment humides, en mauvais état, et envahies d'œufs de moustiques. Ces dernières, derrière, ne font que virevolter autour de vous et sont insupportables. Vous vous faites piquer absolument partout. Tandis que Bayonne commence à diminuer petit à petit au loin. Jacquard, toi, tu sembles remarquer de légers contre-coups au niveau de ton bras. Des dysfonctionnements à certains moments. Mais tu n'y prêtes pas plus attention que ça. Tu dis que ça va probablement revenir dans les heures qui viennent, voire dans les jours. Et là-dessus, vous vous élancez à travers les marais. Vous avez le droit à une espèce de petite visite guidée de la part du passeur. Le trajet est un peu long. Tout le monde est monté à bord. Vous êtes obligé de ramer pour faire avancer ces dernières. C'est fatigant, épuisant même. Surtout le début où vous êtes un petit peu à contre-courant. Tandis que, une fois que vous avez remonté le long de Bayonne et du Delta, vous pouvez vous laisser emporter par le courant plus facilement, en direction de Montpellier. En suivant les quelques lumières que vous voyez au loin et qui semblent indiquer des routes ou des chemins qui serpentent un peu autour, auxquels on aurait éclairé des torches. Probablement pas pour guider les voyageurs, hein, ceci dit. Hein. Vous connaissez la réputation des chemins brûlés et vous savez qu'il s'agit probablement là plus de mécanismes de défense en cas d'invasion d'insectes. Des essaims d'ailleurs vous en croisez, qui vrombrissent au-dessus de vos têtes et autour de vos oreilles, à plusieurs reprises. À certains moments, vous êtes même obligé de vous baisser pour en laisser passer. Ils sont gigantesques, et vous le savez, probablement envoyés là par les Homo de Genesis. Ils sont là en reconnaissance. Ils zonent un petit peu, tels des radars ailés, les marais et le sud de la Franca. Ils essayent de voir jusqu'où peut s'étendre leur territoire. Vous le savez, la frontière délimitée avec les Néolibiens, elle est très proche de vous. Elle ne s'étend pas bien loin. En réalité, 99% de la Franca probablement appartient à ces bêtes. Vous ne gardez que les points stratégiques qui font la bordure de la Méditerranée. Vous continuez à dériver. Les eaux peuvent se montrer turbulentes et l'odeur des marécages peut se montrer un peu nauséabonde par moments. Si bien que Efflux, à certains moments, se retrouvera à vomir par-dessus. Et d'ailleurs, Efflux, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu t'arranges pour pouvoir vomir par-dessus ta barque. Il y a des questions comme ça que j'aimerais ne pas répondre. C'est ce que tu dis au moment où tu sens que ça va venir d'ici quelques secondes. Je regarde un peu déjà comment est mon masque et je, Tu sais, j'ai cette espèce de truc au milieu là. Et en fait, je vais genre essayer de juste ouvrir cette partie-là. Donc, il y a genre juste cette partie-là de ma bouche qui s'ouvre et voilà. Et genre me pencher au-dessus de la barque pour Très bien. vomir. J'essaie de faire en sorte, bien évidemment, que personne n'aperçoit genre une partie de mon. De ton visage. De mon visage, évidemment. Fais-moi un petit test de discrétion quand même. Avec une difficulté Bien de sûr. Une réussite dont un déclencheur. Ok. une réussite non déclencheur, ok, parfait. Bon, t'y arrives. Au moment où tu vomis, certains des accompagnateurs du roi des gueux s'exclament. Il y en a un notamment qui dit: moi non plus, je me sens pas très bien, est-ce qu'on pourrait pas s'arrêter? Et l'autre le suit en disant: moi j'ai envie de pisser. À ce moment-là, le passeur se retourne vers vous. Et vous fait comprendre que lui, il n'est pas très fan de l'idée, qu'il préférait directement aller à Montpellier. Et je vais demander donc au groupe de, voyant Efflux vomir, les demandes du reste du groupe, ce que vous souhaitez faire. Est-ce que j'aurais quelque chose à donner à Efflux pour essayer de calmer son état nauséeux, on va dire? En tant que médecin, normalement, j'ai quand même des facultés pour essayer de changer ça. Je pense pas, honnêtement. Non? Ok. Bon, après, de toute façon, j'imagine bien que c'est un syndrome typique de mal de Oui. mer, ou voilà, c'est pas Sauf quelque qu'il est assez chose de... accru parce que normalement c'est quand même sur des pleines mers, Oui. mais visiblement c'est ça. Bon, en gros, j'ai vu que c'est très sensible à ça, mais c'est Je vous pas le dis, je suis pas fait dangereux pour en être sur soi. l'eau. C'est pas dangereux en soi, genre ça l'aiderait pas plus si on s'arrêtait. Autant continuer. De toute façon, il va falloir que, voilà. Enfin, pour moi, j'estime que on peut continuer. De toute façon, c'est pas ça qui va faire en sorte que Flux aille mieux. Plus vite il aura rejoint la terre ferme, mieux c'est quoi. Eh bien, les autres, je vous laisse me dire ce que vous souhaitez faire. Enfin, si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Oh, je suis d'accord. Ouais, Jacquard, il dort, il s'occupe pas de ça. Nous conseillons donc, et ceux qui veulent s'arrêter, n'ont qu'à sauter de la barque. Je vais juste... Ok. Ainsi, vous continuez de déambuler. Lilith a l'air de s'ennuyer durant le trajet et demande à ce qu'on raconte une histoire. J'aimerais savoir, sachant qu'il y a la place pour 4 personnes par barque, plus le passeur, puis 5 places sur les autres, comment est-ce que vous êtes en réalité dispatché? On est pas genre nous dans celle avec 5 personnes? Pardon? Non. On n'est pas dans celle avec 5 places? Vous pouvez Pas si sûr jamais de vous l'avoir voulez. compris. Ça me va. Eh J'avoue bien, que dans je ce cas-là, parmi vous, est-ce que quelqu'un décide de se lancer? Deux Moi, je Sinon, peux raconter une pas. histoire à la gamine. Moi non plus, je ne peux pas. Je pense que ça va marquer, mais en fait, je n'aime pas être ici. Ça serait bien que, voilà, on rejoigne la terre ferme. C'est Non, dangereux pour si moi. je peux, je peux. Je vais lui raconter une histoire un peu, une de nos aventures avec Mokosh pour essayer un petit peu de montrer un côté, tu vois, un peu marrant de Mokosh, tu vois, pour lui dire un petit peu des souvenirs d'elle, tu vois, que j'ai. Je veux Puis que tu me ça. racontes l'exemple en question. Quel exemple je vais prendre? Un moment marrant. Il y aura du sang, forcément. Tu dis ça, tu réalises en disant que bon, il n'y en a pas non plus des milliards des moments. Non, après, je mets bien l'accent sur le fait que Mokosh était. Enfin, parce que moi, je voulais parler de Mokosh toujours au présent, quoi qu'il arrive. Mais une personne. Assez directe et que elle a eu la chance finalement de connaître une Mokosh un peu plus sociable, un peu plus calme, mais que elle a pas toujours été comme ça. Et je vais lui raconter ce petit passage plus ou moins embarrassant où je sais pas, c'est... je vais le faire quand même parce que j'en ai rien à secouer en fait. En vrai, où elle a massacré un de mes compatriotes dans un bar. Bon, en même temps, elle était dans son bon droit et pas de problème. Mais bon, voilà, comme quoi il faut pas la faire chier et que si jamais tu l'emmerdes un peu trop, bon ben. Ok. Voilà quoi. Fais-moi un petit test de d'expression. De charisme expression. Alors attends, parce qu'il faut que j'essaie de tomber sur la fiche. Alors, charisme expression. Je remonte là-haut. Alors, expression, charisme. 1. J'ai que 2 dés. Écoute, ce sera très compliqué. Je ne suis pas quelqu'un qui s'exprime très bien, on va dire. Et je ne fais aucun succès, mais aucun échec. C'est juste rien. Tu vois que tu fais tu racontes ta petite blague. Tu rigoles un petit peu, mais lorsque tu reposes ton visage et ton regard au niveau de Lilith, tu vois qu'elle, elle rigole pas du tout. Et au-delà même d'avoir bidé, simplement son regard se perd un peu dans le loin. Et elle dit n'est-elle pas terrible la vie que Mokosh a eue? Elle est probablement morte par ma faute, et toute sa vie durant, elle n'aura été que haine, vengeance. Et la violence qu'elle refoulait n'était que une manière d'exprimer tout le mal-être qu'elle devait ressentir. Une spirale autodestructrice qu'elle continuait d'alimenter, son propre bûcher, en somme. Oh, la ferme, je sais dormir. Et t'es sûr que t'es une gamine, toi? C'est genre, comment elle parle, c'était genre psychologie. Écoute, je suis pas forcément très d'accord avec toi, Lilith. De toute façon, Mokosh... avait un tempérament certes violent, mais le fait qu'elle nous ait connus, alors vous avez ici, personne n'avait fait la connaissance d'Abby, une personne qui était très proche de Mokosh et moi, et elle a eu une vraie fusion avec elle, c'était une personne assez importante, et quelque part je pense que toutes les deux ont su se soutenir l'une et l'autre, c'était quelque chose de très bien. Bon, même si elles ont fait énormément de conneries ensemble et qu'à chaque fois j'étais obligé d'intervenir pour essayer un peu de calmer tout ça, mais quelque part il y avait une grande amitié, un grand bonheur de faire des choses ensemble. Et bon, quelque part, j'aurais espéré que ça se fasse la même chose entre toi et Mokosh, mais rien n'est encore dit, ça peut toujours se produire. Là-dessus, elle ne surenchérira pas plus que ça. Elle a l'air d'avoir écouté avec attention ce que tu l'as dit, mais Jacquard a un peu plombé l'ambiance si elle ne l'était pas déjà totalement. Là-dessus, vous allez continuer du coup votre trajet. J'en profite pour dire que Lito, tu as du coup une désormais nouvelle fiche qui devrait être un peu meilleure normalement. Et que je l'ai mise, je sais pas si tu vois, tout à gauche du miro. Comme ça maintenant on a le compte des trucs et je vais pouvoir mettre à jour le nombre de points de vie, le nombre de points d'ego, etc. Donc voilà. Je sais pas si elle sera parfaite, mais je pense qu'elle sera un peu plus correcte. Puisque je peux donner une échelle, et là j'ai mis une échelle assez haute de... J'ai même mis le maximum possible. Donc c'est... Ok. On voit notamment que Lito a une incroyable résistance au sport. Voilà. Bon, puis pareil, évidemment, je n'ai pas à me justifier de mon passé qui m'a permis de résister à tant de sports. Et là-dessus, vous continuez à vous perdre au milieu des marais. Tandis qu'au loin, vous voyez le reste de la côte apparaître au fur et à mesure. Vous êtes également obligé de dormir sur ces bateaux, vous éclairant par des lanternes que vous accrochez, j'allais dire à la proue. On parle de barque quand même. Malheureusement pour vous, vous n'avez pas prévu assez de rations et ces dernières viennent vite à manquer. Ah, c'était pas prévu dans les deals, Inar, hein, désolé. Je vous dis le passeur. C'est une barque, hein, pas un hôtel. C'est pas grave, j'ai déjà dû manger des hommes pendant la guerre. Fais-moi un petit test de psychédomination par pur principe. Attends. Faut que j'apprenne à lire cette machine. Ouais, domination, donc du coup ça va être simplement 3D, je pense. Ok. C'est ça. Deux réussites, dont un déclencheur. Tu vois qu'à partir de cette phrase-là, de cette blague-là, il aura du mal à t'adresser la parole. Toi, tu disais vraiment sur le ton de l'humour, mais tu sens l'avoir débloqué quelque chose en lui. Finalement, je vais passer à la suite du voyage pour le bien de notre chroniqueur favori. Jusqu'au moment où vous débarquez au niveau de ce qui semble être une espèce de petit ponton reliant la ville de Montpellier. Ok. À ce niveau-là, un petit ponton auquel est accroché différents barques et bateaux de pêcheurs. Vous avez des gens d'ailleurs avec des cannes à pêche, d'autres avec des filets, qui déambulent au niveau de ce dernier. Mais quelque chose cloche. En effet, au moment où vous débarquez à ce niveau-là, une garde entière de fléaux débarque et entoure la zone. Un petit peu comme pour l'encercler. Vous les voyez d'ailleurs qui contrôlent un à un toutes les personnes qui sont en train de passer. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je m'inquiète pas plus que ça. Hein. Ça arrive tous les jours que les ports soient vérifiés. Je ne suis pas au courant d'une certaine histoire qui s'est passée sans ma présence, donc tout va bien. Moi, je m'inquiète un petit peu. Dans un premier temps, je dis rien, et puis si je vois que ça quand même persiste ou que je vois qu'ils sont en train de chercher mais qu'ils trouvent pas ce qu'ils veulent, eh bien, au bout d'un moment, je vais me tourner vers mes amis et je vais leur dire, parce que j'imagine qu'ils cherchent encore, surtout, quoi qu'il se passe, restez calme. Jacquard, il va commencer un petit peu à paniquer parce que il se peut du coup que effectivement, peu avant, après le combat, prévoyant du coup sans doute des certaines difficultés qui allaient arriver, qu'il ait acheté du coup ou trouver quelques bourgeons. Et donc, il se met un peu à paniquer en espérant que personne n'ait l'idée de fouiller un juge, un grand représentant de l'ordre de la loi, bien sûr, hein, qui serait bien sûr innocent de tout soupçon. Très bien. À ce moment-là, vous avez l'un des fléaux qui débarque à votre niveau et qui vous dit Nous allons vous fouiller, vous et votre barque. Veuillez vous lever sans faire d'histoire. Et plus vite que ça. Je me lève. J'obéis. Sans mot Ouais, je me lève. Très bien. Moi, je vais rester allongé, endormi dans la barque. À ce moment-là, un autre fléau le rejoint. Vous les voyez, ils sont grands. Ils sont très grands, de bons mètres. C'est clairement des gros gaillards, ils sont quasiment en forme de cube. Ils ont leur casque bleu scintillant à la lumière du soleil. Autour de vous, la foule se fait également fouiller sans protester. Ça semble être une espèce de petit ponton d'attache assez fréquenté. Et Montpellier, que vous distinguez au loin, en tout cas vous en voyez quelques murs, a l'air d'être une très grande ville. Quasiment aussi grande que Toulon. Peut-être même plus étendue, même si à un point stratégique moins rayonnant dans le paysage de la Franca du Sud. Le second fléau, lui, te dit Mais qu'est-ce qu'il veut là, cette baltringue de juge? Allez, lève-toi. Sinon, on va te couler avec la barque. Je l'aide à se lever. Hein. Oh non, j'ai si mal, je souffre. Oui. Excusez notre ami, il s'est fait blesser dans un combat et nous avons dû l'opérer sur le tas. Il n'est pas dans le meilleur des états. Au moment où tu te lèves, Jacquard, de manière incontrôlée, ton bras commence à faire des espèces d'aller et venu, un peu comme si tu faisais, comme si tu tentais de soulever des poids, enfin des toits, plutôt des une haltère, et ce en boucle de manière très rapide. Mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible! Et comme vous voyez, la greffe ne s'est pas passée au mieux. Du coup, alors, je sais pas si tu as vu les messages que j'avais envoyés Ah non. Dis-moi. dans le truc où je voulais au départ faire un truc qui va endormir un petit peu Efflux parce que je pensais qu'il allait vraiment pas monter à bord. Et je savais que j'avais fait un jet de médecine pour savoir si j'arrivais à le faire et j'avais fait 5 réussites et dont 2 déclencheurs. Je sais pas si tu l'as vu à un moment donné. Pour endormir un petit peu Efflux? Ouais, faire une petite déconcoction en fait. Ok, bah d'accord, bon, j'imagine que tu lui as fait une petite tisane. Alors, bon, après, avec les moyens du bord, parce que tu pouvais pas trop faire chauffer quoi que ce soit à bord de Ouais, cette petite barque. mais bon, en gros, c'est Mais. un truc, un calmant plus qu'autre chose, ça n'allait pas forcément Bon, l'endormir. tu lui as fait une petite concoction d'herbe. Voilà, du coup, bah, vu que j'ai pas eu besoin de le passer à Efflux, je le passe à Jacquard. J'y dis, tiens, bois ça va te faire du bien. Je te le tends. Non, il faut que. Jacquard, jette-moi un dé. Un dé. Wow. Déclencheur. Ok. Au moment où Toric s'approche de toi, t'es pris d'une espèce de pulsion d'un seul coup, tu saurais pas dire pourquoi. Comme si ton bras interprétait mal les signaux que ton cerveau envoyait. Et tu lui envoies un coup de poing violent que, heureusement, tu arrives à contrôler au dernier moment et à renvoyer vers toi. Ton bras est pris de convulsion totale. Putain de merde! Va falloir qu'on réopère! Non mais visiblement l'hospitalier a tout foiré, hein. Écoute, on a fait comme on a pu, on n'avait pas grand-chose pour pouvoir le faire, ok? Non mais je sais, je suis Il faut d'accord, qu'on va l'amène falloir. à l'orage et qu'on s'en occupe assez rapidement. Il peut se blesser lui-même là. Et voire blesser quelqu'un d'autre. C'est urgent, il va falloir qu'on s'en occupe maintenant. À ce moment-là, le chef des fléaux, constatant les dégâts, dit bon, de toute façon, vous venez d'arriver en ville. C'est ça. Oui. Si j'en crois ce que mes yeux viennent de me dire en voyant vos barques arriver depuis là-bas. C'est ça. Ok, donc voilà ce qu'on va faire. On a des hospitaliers ici en ville. On va vous envoyer les voir et vous allez pouvoir l'opérer dans de bonnes conditions. Et vous allez être escorté de fléau. Et vous passerez quand même à la fouille et à l'interrogatoire. Parce que venez pas croire que c'est jour de fête ici. Le chef de la ville, Atuma, on a tenté de l'assassiner, pas plus tard que ce matin. Alors croyez-moi, on va être vigilant. Et si vous causez le moindre trouble, on n'hésitera pas. Écoutez, vraiment, pas de soucis, c'est déjà très gentil de nous permettre de s'occuper de notre ami. Après, pas de soucis, on passera à la fouille, interrogatoire, tout ce que vous voulez. À ce moment-là, il y a l'autre à côté. Pareil, secoue la tête, fait pas une seule seconde. Ok, il n'y a pas de soucis. Mais venez, on s'occupe de lui d'abord. Et après on fait. Allez, emmenez-les d'urgence. Il y a l'autre qui nous est pris d'une crise. Il a dû être piqué par un moustique tout droit venu du plus grand cratère de champ de sport mer de la côte. Et là-dessus, Jacquard, tu as emmené un peu d'urgence escorté le long du chemin. Par pure pitié, plus qu'autre chose. Tandis que de ton côté, Lito, tu as le passeur qui te dit « Bah, maintenant, je veux bien mes dinars et votre épée. » Nous sommes mis d'accord sur le fait que ce serait une fois que je ramènerai les hommes que je suis venu chercher. Que je vous les rends. Oui. 5 dinars et l'épée d'avance. D'accord. Je lui passe 5 dinars et mon épée. Merci bien. Et tu vois qu'il fait quelques tours, il a fait un peu tourner, il fait quelques mouvements avec. Et puis il l'enroule dans une espèce de drap. Et il la range dans son paquetage. Je me trouverai au niveau de la taverne des écuries à l'entrée de la ville. N'hésitez pas à me rendre visite. Ce sera fait si nécessaire. Elle s'appelle, si mes souvenirs sont bons, l'auberge des enfants rouges. Mais vous pouvez demander la taverne des écuries, les gens verront. C'est noté. À ce moment-là, vous dirigez petit à petit devant l'imposante ville de Montpellier qui commence à se dessiner devant vous. Une ville grandiloquente, gigantesque, avec des murailles habilement décorées dans un style néo-libyen. Cette dernière a été complètement bouclée. Vous voyez des armées entières de fléaux parcourir les rues. Ces rues blanches qui reflètent toute la lumière du soleil, intensément. Ce soleil d'été qui vient vous fusiller le dos et le cou, tandis que vous vous exposez trop longtemps parfois au soleil. Accompagné de certains d'entre eux, enfin d'un d'entre eux en réalité, plus les autres s'en vont directement, vous vous dirigez en direction du camp de Spitalier de Montpellier. Et Toric, en t'en approchant, tu es étonné de voir que ce dernier... Hop là, ce dernier semble relativement imposant. Et contraste totalement avec l'orage misérable que vous avez à Toulon. Et Montpellier semble être un vrai point d'attache dans la Franca du Sud. Cependant, pas la trace du moindre anabaptiste, ni même du moindre juge, évidemment. Alors, les chroniqueurs n'en parlons pas. De son côté, le roi des gueux a tant fait, vite fait, pardon, de s'évanouir dans la nature en vous donnant un petit point de rendez-vous, au pied de l'allée des titans, vous a-t-il dit, vous savez même pas où c'est. Et pendant ce temps-là, nous allons pouvoir faire une espèce de petite scène annexe. Voilà. Qui, elle, se passe bien loin de votre position. En réalité, plutôt au niveau de votre point de départ. Dans une espèce de cauchemar sur pattes. Un cauchemar animé et éternel. Comme le plus terrible et le plus profond des tripes de brûlure. Comme la plus démoniaque et constante hallucination. Comme le plus terrible des mirages. De manière constante, les choses s'agitent. Les blessures se referment. Et un rejet s'opère. Au niveau de la table, nous avons Bayou, qui d'un seul coup sursaute et se précipite en direction de la peau qu'elle a installée à quelques mètres de lui. Cette peau se met à trembler, à convulser, un peu comme un bébé qui donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère, signalant ses premiers signes de vie. Bayou essaye de, un peu comme s'y poser sa main, un peu comme pour sentir les à-coups derrière. Et justement, comme s'il touchait le propre ventre de sa femme enceinte, avec autant de délicatesse, il dit « Oui, c'est bien, mais c'est beaucoup trop tôt. »